José Carlos, também um abraço, bom trabalho e, claro, isto, o tempo corre e estamos quase nas 6. Ora, hoje, quinta-feira, com temperaturas de 22 graus de máxima para Bragança e Funchal, 21 para Braga, Vila Real, Porto e Leiria, 20 para Viseu e Coimbra, 19 graus para Castelo Branco, Santarém e também para Setúbal, 18 para Viana do Castelo, Aveiro e ainda para Faro, 17 graus para Porto Alegre, Lisboa, Évora e Ponta Delgada. Máxima de 16 para a Guarda, 15 para as Penhas Douradas e também para Beja. Le matin c'est bien et c'est Francky. 7h-9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Hola, bon dia la planète, j'espère que vous allez bien. 7h du matin, sous la pluie malheureusement. Aujourd'hui, bah oui, ça va être pluvieux et nuageux et pas de soleil normalement aujourd'hui, normalement. Par contre, demain, le soleil est de retour, ainsi que samedi et dimanche, ainsi que lundi. Voilà, ça c'est de très très bonnes nouvelles. Bandé à la planète, 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard pour nous joindre, 02 38 43 48 00. Coucou à José qui est déjà connecté, qui est dans le camion. On vous souhaite une très bonne matinée, 7h01 avec William Baldé, le meilleur des souvenirs et le rayon de soleil. 6h, 9h, il vous accompagne au boulot. C'est Francky. Radio Soleil, dès 7h, avec Francky. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky Arc-en-Ciel. Bah oui, je t'aime. I love you. Ich liebe dich. Te quiero, mi amor. Belle journée. Et bon réveil avec Monsieur Faria, qui est là. Bonjour, Monsieur Faria, dans la voiture. Radio Arc-en-Ciel à fond. Direction le boulot. Bientôt les vacances encore, peut-être pour vous. Bah ouais, au mois de mars. Beaucoup seront en vacances encore. Ah ouais, ça va faire du bien. Du côté du soleil, aujourd'hui, eh bien, c'est plutôt gris et nuageux et pluvieux. Ouais. Le soleil sera de retour normalement ce week-end. Ça, c'est la bonne nouvelle. 02 38 43. 48-00, c'est le numéro du standard. Lucenzo qui arrive. Lucenzo, il y a toujours un oi oi oi qui traîne. Ça c'est sûr, on l'adore à la radio. Avec Baila, Morena, courage à vous si vous venez d'arriver du côté de la radio. 7h20, de la pluie ce matin, bah ouais, hein, le ciel est nuageux, pluvieux, bah ouais, c'est comme ça. En tout cas, on souhaite à Elisabeth qui vient de se réveiller du côté de Saint-Jean-de-Bray. Merci Francky d'être là. J'ai allumé Arc-en-Ciel et direct du soleil, bah ouais, c'est comme ça. Avec de la bachata, bachata Hides, c'est sur la radio couleur. Belle journée, bon petit déj à vous. Orléans, 96.2 FM. Y reclamas tantas cosas y me dices que nunca hubo paz. Incluso dices que me odias y que no me quieres ver jamás. Sentimiento, torito. Pero de repente todo cambia, te hago falta a ti. Châtel, matin. Ça fait du bien de nous amener au boulot, hein, sur le chantier par exemple, hein, comme M. Faria qui est là. Doucement, tranquille ce matin, 7h24 minutes, et Makassi qui arrive un petit remix à la Francky. Bah, ça fait du bien pour vous réveiller. On est heureux de vous retrouver, on est là jusqu'à 9h. bien je me lève. Tu es quand je m'élève. Ton corps se soulève, tu rates doucement. Et puis place à la folie. Ton bébé, t'es si joli. Dénudé sur le lit, je ne veux plus qu'on ralentisse. Appelle le 02 38 43 48 00. 7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Salut mon doudou. Ça c'était quand j'étais petit, je prenais un doudou. Moi aussi. Aujourd'hui 50 ans. 50 ans de qui? L'ami Picsou. Bah oui, vous avez connu ce gros bouquin que vous avez lu et relu quand vous étiez jeune. Eh bien, il fête aujourd'hui ses 50 balais. C'est un radin quand même. Hein. Il était blindé, mais c'est un radin. C'est comme ça en général. Hein. 7h, 9h, le matin c'est bien. Et c'est Francky. Arc-en-ciel. Chez moi, le poil se balance et le poil de les eaux décorent sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous mes enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine. Je te suis, hein. 7h39, belle journée à vous. La météo qui arrive, c'est plus mieux aujourd'hui, on vous le dit, hein. Bah ouais, malheureusement, c'est ça. La météo. Aujourd'hui, le ciel est chargé, nuageux, de la pluie, malheureusement. Les températures ont relevé du jour un petit degré. On va quand même frôler les 12 degrés. La bonne nouvelle, c'est que vendredi, samedi, dimanche, lundi, le soleil sera bien là. Et la journée la plus belle, peut-être pas la plus chaude, mais la plus belle en tout cas, ça sera samedi, avec que du soleil, si je me trompe pas, et si Météo France ne se trompe pas. Voilà des bonnes nouvelles pour passer un bon week-end et peut-être faire le premier barbecue, peut-être, avec du son qui arrive. Um Brasil é que vino. Eu já falei, vou falar mais uma vez. É mais uma do que vim. Essa menina é o problema, é cheia de esquema, é complicada. Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada. Fala que vai pra casa das amigas, pede pra mãe e pro pai. Bota outra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai. Hoje vai chamar um probleminha, vai. Hoje a gata vai perder a linha, vai. Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai. Hoje o negócio vai ficar bom. Vai chamar um probleminha, vai. Hoje a gata vai perder a linha, vai. Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai. Vai rebolar em frente ao paredão, mexe a raba, mexe a rabiola, mexe a raba, mexe a rabiola, mexe a raba, mexe a rabiola. Rebola gostoso até o chão, mexe a raba, mexe a rabiola, mexe a raba, mexe a rabiola, mexe a raba, mexe a rabiola. Rebola gostoso até o chão. O problema é cheia de esquema, ela é complicada. Você pensa que ela é calma, mas só que tem alma de pipa voada. Fala que vai pra casa das amigas, pede pra mãe e pro pai. Bota outra roupa por baixo, parece uma linha fininha e sai. Hoje vai chamar um probleminha, vai. Hoje a gata vai perder a linha, vai. Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai. Hoje o negócio vai ficar bom. Hoje vai chamar um probleminha, vai. Hoje a gata vai perder a linha, vai. Hoje vai curtir com as amiguinhas, vai. Vai rebolar em frente ao paredão, mexe a raba, mexe a rabiola, mexe a raba, mexe a rabiola, mexe a raba, mexe a rabiola. Rebola gostoso até o chão, mexe a raba, mexe a rabiola, mexe a raba, mexe a rabiola, mexe a raba, mexe a rabiola. Rebola gostoso até o chão. De se réveiller à quelques milliers de kilomètres d'Orléans avec le son du Brésil. Et Kevin, oh, belle journée, bon petit déj à tous, 7h42 minutes. Son rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Bienvenue dans notre belle ville de Fleury-les-Aubrais. Bah oui, les studios sont à Fleury-les-Aubrais, Faubourg Malier, avec cette belle ville qui recrute justement, si vous cherchez du boulot, ils recrutent un chargé ou une chargée de projet informatique, gestionnaire support applicatif de Open Data, femme ou homme. Vous pouvez postuler en ligne sur le site de la ville de Fleury-les-Aubrais. Voilà, pourquoi pas, si le job vous intéresse, eh bien allez-y, n'hésitez pas à postuler. Ça peut peut-être servir. Et la ville qui recrute encore un agent ou une agent de portage de repas, femme ou homme en CDD. Vous pouvez également postuler en ligne sur la ville de Fleury-les-Aubrais. Voilà, du boulot le matin. On peut vous donner quelques bons plans hein, avec la ville de Fleury-les-Aubrais. Si vous avez des bons plans aussi, vous cherchez quelqu'un, bien n'hésitez pas à m'appeler. 02 38 43 48 00 sous le soleil de la radio arc-en-ciel avec du son qu'on adore. Voici la reprise de Vanessa Paradis par Chaim et ses Tandem. J'adore cette reprise de Vanessa Paradis. Alors déjà, le clip à la base était ça, Patoche. Hein. Tandem par Chaim sur Radio Arc-en-Ciel, 7h46. Bandi à la planète, si vous voulez d'arriver du côté d'Orléans, Saint-Jean-de-Bray, Fleury-les-Aubrais. Eh bien, on vous souhaite une très très bonne matinée à l'écoute de la radio couleur. Vous êtes nombreux le matin et de plus en plus nombreux à nous écouter dans les voitures, sur le net aussi. Vous tapez Arc-en-Ciel Orléans et là, vous allez voir notre nouveau site magnifique. Et Willy William, mon poteau, bah ouais, de Bordeaux. Ancien membre du collectif métissé avec Tekielo et ça, forcément, ça va vous donner envie de sortir ce week-end dans les clubs, ça y est, qui sont réouverts depuis plus d'une semaine. On leur souhaite plein de belles choses à toutes les discothèques de France. Belle journée et bon réveil avec Willy William. Yeah. quiero. Te amo. Je t'aime. FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. This is the remix, Nicky Jam, hey. Tú eres la que mejor baila, y la que mejor se mueve, y aunque traten de imitarla, solo ella lo mueve también. Baila me gusta y si resulta que a ti también te gusta como bailamos, el buen ambiente se busca, por eso fue que nos juntamos, pero si se mueve esa nena, como una sirena y si la pista está llena, se roba la cena y ella sí que está buena, que no te dé pena, sube la adrenalina. Por un vuelvo fácil yo me mando con ese movimiento, para mí ese maltrato, yo trato de pasar contigo un buen rato, juego una esquina contigo me ando. Vamos a escapar de un lugar donde tú y yo solito podemos estar, no tengo que tocarte, también puedo hablar, te digo latina, nadie te puede igualar. Y lo voy a bailar más lento, con un poco de sentimiento, que no se pierda el aliento, que ya estás en la cima, dale, muévete latina. Y lo voy a bailar más lento, con un poco de sentimiento. Y que no se pierda el aliento, que ya estás en la cima, dale, muévete latina. Tú eres la que mejor baila y la que mejor se mueve, aunque traten de imitarla, solo ella lo mueve también. Muévete latina, tú dominas, lo mueves tan bien. Tú no te imaginas todo lo que vamos a hacer. Nicky Jam, Vicky. Tú eres la que mejor baila y la que mejor se mueve. Yo que trate de imitarla, solo ella lo mueve tan bien. Lo mueves tan bien. Nicky Jam avec El King, le son caliente. 7h53 minutes, belle journée sur Radio France 96.2 FM. Bon courage à tous ceux qui vont bosser sous la flotte ce matin, l'horoscope qui arrive. L'horoscope, c'est maintenant. L'horoscope pour ce matin, ce 24 février, et on démarre avec les béliers. Il y a beaucoup trop de remous dans votre couple, l'ambiance ne sera pas des meilleures aujourd'hui. Les taureaux, ne cherchez pas à multiplier votre partenaire ou votre entourage. Les gémeaux, vous aurez l'occasion de consolider vos liens avec l'être aimé aujourd'hui. Les cancers, ne cherchez pas à imposer à tout prix votre point de vue, soyez soyez plus à l'écoute de vos interlocuteurs. Les lions, les circonstances vous seront favorables et vous prouveront que vous êtes patient en ce moment. Les vierges, le climat astral favorisera une ambiance passionnelle dans votre foyer. Vous serez bien trop émotif pour être logique. Les balances, vous ferez preuve d'un esprit très critique envers votre partenaire. N'exagérez pas. Les scorpions, vous serez prêts à faire des concessions dans votre vie de couple. Les sagittaires, êtes-vous sûr des jugements que vous portez sur les gens? Non, pas trop, hein. Ouais, ouais. Les capricornes, vos propres paradoxes vous amèneront à vous poser des bonnes questions ce matin. Les verseaux, tout semble vous sourire. Le signe profite toujours de l'influence dynamique et bénéfique des astres. Les poissons, le fruit défendu aura pour vous un goût particulièrement délicieux ce matin. Belle journée à 7h55 minutes avec Alex Ferrari qui arrive. On vous souhaite cette matinée agréable, bah ouais, sous le soleil de la radio arc-en-ciel, avec du son qui arrive et on adore. Un petit souvenir et Jean Beauvoir avec Field Hit. C'était la bande originale du film Cobra avec Stallone. Ouais, c'était bon ça. Voici Field Hit, c'est sur la radio couleur. Belle journée. Play a game that isn't fair, and your partner. Mademoiselle, 7h58. Le meilleur des souvenirs, c'est ce que nous dit Jacques sur le Messenger. Ça me rappelle des bons moments, ça. Le meilleur film, Stallone avec Cobra. Bah ouais, c'était bon, ça. La bonne époque. Doucement du Brésil qui arrive. On vous souhaite une très très bonne matinée avec Caliente. C'est histoire de vous réveiller, de vous sortir de lit. Peut-être vous qui venez d'arriver du côté de la radio, qui allez au boulot ce matin dans la voiture. Peut-être sous la douche, encore au petit-déj. Avec du Brésil, Alex Ferrari, l'année 2012. Et bara bara bele bele. Mais difícil do mundo, hein? Assim, ó. Bara bara bara. Bere bere bere. Bara bara bara. Bere bere bere bere. Bara bara bara. Bere bere bere. É Alex Ferrari fazendo bara bere. Então fazer assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bara, bere. Então fazer assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bara, bere. Cantando comigo mais ou menos assim. Bara, bara, bara. Bara, bara, bara. Só vocês, vai. Bara, bara, bara. Bara, bara, bara. Assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere, bere. Bara, bara. Soleil dès 7h avec Francky. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. We'll be right back. quel bon souvenir ça, Mojo avec Lady. Belle journée sur le soleil de la radio. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. On vous réveille en pleine forme aujourd'hui et puis ça y est, des bonnes infos sur le centre Val-de-Loire. Une délégation d'élus et de membres de la société civile du centre Val-de-Loire a été reçue en fin de matinée, c'était hier, par le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. C'est officiel, un pôle de formation universitaire de médecins viendra bien s'installer à Orléans. Reste à voir quand et dans quelles conditions. Voilà des bonnes nouvelles, peut-être de futurs médecins sur Orléans et ses alentours, parce que c'est vrai qu'on en manque cruellement et ça va faire du bien de voyager aussi le matin. Une petite préférence pour le Brésil ce matin avec un titre que vous adorez. Ah là là, qu'est-ce que je l'ai joué en discothèque celui-là. Vous allez vous rappeler des bons moments. Metino avec Mila. Na ilha do sol, o destino te mandou de volta. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky Arc-en-Ciel. Arc-en-ciel, 8h14. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Il y a Pascal qui me dit, ça y est, t'arrives à dire l'heure, enfin une fois dans ma vie. En tout cas, nous, on aime bien être avec nos animateurs préférés sur la planète et sur la France. Il y a Greg de Fun Radio qui est avec nous. Bonjour Greg. Ouais, salut Francky. 8h14, je regardais l'heure dans ma voiture aussi, tu t'es pas planté, c'est bien ça. T'as vu, hein, je suis sur le timing, hein, comme toutes les radios, on a les yeux rivés sur les pendules ici. Hein. Et c'était pas mal ce que tu passais avant, on a une sorte de reprise latino d'un vieux son et tout. Ouais, à l'ancienne, c'est le collectif métissé, voilà, c'est la famille. Le collectif métissé, ouais, c'est tes potes en fait. Ouais, c'est mes potes, hein, tout le monde le sait maintenant. Tu le sais toi-même, hein, on en a passé des collectifs métissés en radio. Carrément. Bon, ça va, Fun Radio, ça se passe bien? Oh, écoute, ça va, tranquille, hein, là. Moi, je suis de repos aujourd'hui, là. Ouais. Mais maintenant, je suis comme toi, même quand je travaille pas, je me lève tôt, tu vois. Mais ouais. Je suis devenu un adulte très simple, on va dire. Toi, en plus, t'es un ancien Orléanais, hein? Exactement. Bien sûr. Moi, je suis toujours un Orléanais de cœur, quand même. Parce tu que, passes? En vrai. Ouais, tu passes nous voir, des fois. Ouais, puis en vrai, franchement, moi, j'ai pas forcément trouvé mieux qu'Orléans. Orléans, c'est la seule ville où j'ai vraiment habité en centre-ville et tout. Où j'ai kiffé la vie du centre-ville, quoi. C'est vrai que Paris, ça change un peu, la vie parisienne. Franchement Paris c'est un délire après, ouais, non moi je préfère Orléans. Paris il y a trop de coins, c'est un peu partout, tu vois, il y a des coins bien partout. Orléans, voilà, t'as le centre-ville qui est cool, et puis après. Je sais pas si t'es revenu récemment à Orléans, ça a bien changé quand même, hein, t'as vu, hein, ils sont améliorés. Hein. Moi j'aimais bien déjà quand j'y étais, il y a... Attends, moi j'étais en 2006 ou 2007. Ah la vache, oui, quand on était animateurs tous les deux sur une radio orléanaise, hein. Exactement, mais moi en fait, tu sais, je viens très souvent, moi j'ai vu aussi les tramways, enfin les travaux du tramway qui ont été un peu pénibles, ouais. On va pas se mentir, maintenant c'est fini, c'est bien. et quand ils ont refait la place du Martrois aussi, c'était un sacré délire, mais là c'est bien, maintenant tout est fini dans le centre-ville, j'ai envie de dire, et là non, c'est super cool. Et puis c'est vraiment bien, que ce soit le centre-ville et les quartiers un peu plus excentrés où il y a eu pas mal de nouvelles constructions aussi, bah là où il y a là où ils ont fait la nouvelle ligne de tramway en fait. Ouais, c'est ça. Ça s'est bien embelli Orléans, je trouve. Hein. Bah moi aussi j'ai connu comme toi à l'époque. Hein, et je trouve que c'est. Bon, c'est vrai que comme tu dis, pendant les travaux du tram, c'était la galère quand même. Hein, Orléans. Ah, ouais. Ah, l'enfer. Moi, quand je suis arrivé à Orléans, quand on me disait, tu connais, il y a une époque aussi où il n'y avait pas le premier tramway. Ouais. Et il paraît qu'Orléans est devenu vraiment aussi cool dès qu'il y a eu le premier tramway là sur la rue de la République. Où je dis ouais, c'est ça. Et là, c'est vrai que moi j'adore le centre-ville, j'adore le tramway. Et quand j'habitais à Orléans, là, j'habitais à 5 minutes à pied de la place du Martrois. C'était vraiment, c'était vraiment cool. Quoi. Bon, ça va, fun, ça se passe bien. Ouais, écoute, ça va, ça se passe. Je t'aurais bien vu sur une radio locale aussi, toi, à Orléans. Attends. Non, mais en fait, de temps en temps, je me dis, tiens, est-ce que je pourrais faire un peu de radio en plus. Et, ouais. Et je vais pas te mentir, je connais pas beaucoup de gens en radio. Et je me dis, tiens, je pourrais appeler Francky, avoir ma petite chronique sur Arc-en-Ciel. Bah, ça serait sympa, ouais, que tu viennes faire une petite chronique, là. Ça serait sympatoche. Faudrait que je le cadre un peu et tout, faudrait que ce soit bien, quoi. Bah, c'est vrai que sur le local, l'avantage qu'on a, c'est la libre antenne, quoi, par rapport à des grosses radios comme Fun. Non, carrément. Et puis je suis jamais venu à Arc-en-Ciel, mais je vois un peu sur tes réseaux sociaux et tout, le studio est sympa. Ouais, il est sympathique, sympatoche. C'est un beau micro, un très beau micro. Ouais, il est tout neuf, hein. Je vais faire gaffe de pas le casser. Et puis là, on attend les tout nouveaux casques, alors attention, ça rigole plus. Non, mais c'est super. Ah ouais, là, tu vas être bien équipé, hein, si tu venais là, Greg. Mais là, Francky, je suis ton invité principal ou t'as un autre invité? Ah non, j'en ai un demain, tu vois. D'accord. Donc aujourd'hui, je suis un peu ton invité d'honneur. T'es un peu la star aujourd'hui, voilà, ah, c'est ça. C'est plaisir. Mais tu sais qu'ici, on reçoit de gros invités, hein. Il y a des maires, on a des... On parle de tout et de rien, hein, nous. Non, mais c'est bien. C'est pour ça quand je dis, ouais, Orléans, c'était un peu le bordel avec les travaux et tout, je fais attention quand même, toi, parce que je sais que la mairie écoute. Ah ouais, ils nous écoutent, hein. À la mairie, je peux te dire que... Surtout la maire de Fleury-les-Aubrais, qu'on salue, Carole Canette, qui nous écoute tous les matins. Ouais. Bah ouais, d'ailleurs je suis passé, parce que je suis venu à Orléans il y a pas longtemps pour de la paperasse et tout, et parce que moi je suis toujours domicilié dans le Loiret en vrai, donc de temps en temps je suis obligé de venir à Orléans. Bah, tu passes quand tu veux nous voir, hein, à la radio un matin si t'es là, hein, carrément, ouais. On pourrait faire un petit micro tous les deux, ça serait sympa. Ouais, on se rappellerait des bons souvenirs, hein, d'époque. Carrément. Et c'est vrai que je suis pas, quand t'arrives à Orléans, quand t'arrives de région parisienne, tu passes forcément par Fleury-les-Aubrais, et c'est vrai que je suis passé à Fleury. Voilà, t'as la gare qui est juste à côté de la radio, donc tu peux même venir à pied, tu vois, ou viens aller chercher au pied. Ah oui, tu veux dire, la gare de Fleury-les-Aubrais, c'est vrai que t'arrives tout, tu passes toujours par la gare de Fleury-les-Aubrais. Ouais, c'est ça. Orléans, ouais. Exactement. Bon, merci de nous avoir accordé. C'est ça? Comment? C'est pas loin du château d'eau où il y a des antennes et tout. Voilà, c'est pas très loin. C'est pas très loin. C'est par là. Voilà. Okay, au pire, je viens te chercher, je t'envoie une navette sinon. Hein. Non, moi je suis en droit. Moi, tu me connais, je suis en voiture. Je sais. Et t'as un grand parking devant la radio, tu peux te garer, c'est ça qui est bien. Tu vois, ça au moins c'est l'avantage. Ah ouais, c'est pas Paris ici, hein, tu vas voir. C'est clair qu'au moins le stationnement. De toute façon, Paris, il faut dire aux gens, hein, Paris, c'est transport en commun obligatoire maintenant, même pour moi. Ah ouais. RER et compagnie. Ouais. Bah sinon tu as ce qu'il veut dans la voiture et tout. Au moins des villes comme Orléans et tout, t'as encore. Quand tu travailles en centre-ville d'Orléans, sûrement que tu prends en partie de tramway, mais bon, tu peux quand même prendre ta voiture. Oui, tu peux encore, ça va. Tu peux encore. Bon bah écoute. Et attends, je fais un peu de pub parce que je vois tes. Ouais. Donc le set a réouvert et tout là. Ah ouais, la discothèque, voilà, ça y est, c'est reparti là. Ça fait 1000 ans que je dois venir, je dis ça à chaque fois. Bah ouais, on t'attend, hein, la fille du vestiaire, elle t'attend depuis 10 ans. Hein. C'est vrai. ça serait bah, comme Mario et Roberto de Radio Latina qui sont venus, qui viennent de temps en temps, ça serait bien de voir Greg de Fun Radio venir nous voir. Hein. Non mais carrément. Voilà, ça nous ferait plaisir. Et on pourrait se rappeler les bons moments radio qu'on a vécu ensemble il y a 10 ans. C'est clair. Ah. Oh oui, on s'est bien marré quand même. Il y a plus de 10 ans. Hein. Plus de 10 ans. Et tu sais que des fois quand je regarde les vidéos, je me marre maintenant. Ah bah ouais. Moi je me marre. Je retombe dessus. Et je pense que j'ai des vidéos que toi tu n'as pas en fait. Ah, faut que tu ramènes ça, ouais, qu'on se marre. Des interdits. C'est quand tu prends le Hummer et tu rayes la voiture du patron avec. Ah oui, alors ça c'était le grand moment radio. Et ça, je l'ai encore. Ah, j'étais pressé. Je me souviens, comme si c'était hier, j'étais pressé de partir et puis j'avais défoncé la bagnole du PDG à l'époque. Ouais. Bah, c'était pas fait exprès, bien sûr. Hein. Non, j'ai pas fait exprès. Bon, il l'a pris à la rigolade. Mais il fait un PDG qui a de l'humour. Il a toujours de l'humour, je te rassure. Merci Greg de nous avoir consacré ces quelques minutes. Hein bah, carrément, écoute, c'était super cool, t'as bien fait de... Ouais, je t'ai vu connecté, j'ai dit, je vais appeler mon petit Greg, il y a longtemps que je l'ai pas appelé. Ouais, carrément. Ouais. Passez une belle journée à Paris. Salut Francky, bonne émission à toi. Merci à toi. Salut. Merci, ciao, bonne journée. Vous aussi, vous pouvez nous appeler 02 38 43 48 00. Le standard vous est ouvert en direct avec les Brothers Johnson, du son à l'ancienne. Et puis les Stomp. Johnson. Stomp, coucou à Pascal qui nous dit sympa le Greg de Fun Radio. Bah ouais, sympa, on s'appelle comme ça entre collègues. Bah, on peut pas lutter contre les grosses. Mais bon, nous on est une petite radio, mais on est bien. Depuis 34 ans, à l'arc-en-ciel, sont en Orléans et on vous souhaite une très très bonne journée. 96.2 FM, c'est la fréquence du matin avec The Extreme. Saber que ya no eres para mí. Ese lindo papacito que contigo compartí. Me duele tanto saber que ya no eres para mí. Te extraño. La bachata, moi, vous savez, vous, dans la voiture peut-être, sur la tangentielle, direction le boulot, ça rappelle des bons souvenirs, ça. Et puis c'est vrai que danser le matin, ça fait du bien, hein, ça fait du bien au moral et à la forme aussi. Heureux d'être là, c'est Francky, 8h28, la météo aujourd'hui, le ciel est pluvieux et nuageux, bah ouais, c'est comme ça. La météo. De la pluie, des nuages, ça va être alterné aujourd'hui, les températures un petit degré au lever du jour jusqu'à 12 à 13 degrés, ça va, on est plutôt pas mal. Et la bonne nouvelle, c'est que il va faire beau vendredi, samedi et dimanche. Le jour où il y aura le plus de soleil, je regarde, ça va être samedi, quasiment que du soleil. Donc voilà, venez profiter samedi, venez sur Orléans, vous les Parisiens, allez, venez vous changer d'air un petit peu, ça va vous faire du bien. Eh oui, du son car avec les points Sisters, le meilleur des souvenirs au réveil, 8h29, les années 80, I'm so excited, belle journée et bon petit déj sur Radio Arc-en-Ciel. ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. On va s'aimer, on va chanter, on va danser. 8h36 minutes en direct, Francky, dans la radio. Belle journée et bon réveil pour ceux qui viennent de se lever parce que tout le monde ne travaille pas aujourd'hui. Bah ouais, peut-être les RTT. Bah ouais, peut-être, peut-être. C'est Francky dans la radio. Ton rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis on attend les confirmations la semaine prochaine, normalement. Normalement, on attend la mère de Fleury-les-Aubrais, Carole Canette, qui sera notre invitée un matin. J'attends juste la confirmation. Et puis aussi le maire d'Olivet, monsieur Mathieu Sessinger, qui sera dans les studios de la radio la semaine prochaine. J'attends la confirmation normalement aujourd'hui. Donc je vous donnerai tout ça, tous les détails, normalement en fin d'après-midi ou demain matin. Voilà, demain matin, on sera là avec Stéphanie Bier pour plein de belles choses avec vous. Pour passer un bon vendredi. Du son qui arrive avec Perfect. Une belle reprise d'Ed Sheeran, version French. Belle journée, bon réveil. Amoureux, pour nous ce n'était qu'un. D'amour, plein de douceur ce matin. Ça fait du bien. Algimero, ça va? Ça va, mais Francky, comment tu vas? Bah, ça me fait plaisir de te revoir. Ah, bah oui, bah, ça fait longtemps que t'as pas vu. Hein, j'arrive là le matin, il n'y a personne. Ah, ouais, des fois, j'ai des choses à faire, c'est pour ça le jeudi. Je suis pas tout le temps là le jeudi, mais t'as vu là ce matin, je suis là en plein. T'es là, c'est bien. Comment il va bien, Algimero? Ça va, impeccable. Bon. Comme d'habitude. Comme d'hab, comme tous les jeudis là. Voilà, hein, comme tous les jeudis. Des années que t'es là, toi, combien de temps? Combien d'années? Oh, bah, depuis 2014, je pense. Ouais, ça fait un moment déjà. Ouais. Ça passe le temps. Ouais, l'émission, fidèle au poste. Toujours. Et puis bon, bah, j'espère que les gens sont contents. Et puis que, voilà, toujours les bonnes musiques. Du Portugal. Du Portugal, des années 60. Il y aura un peu de rock, bien sûr. Mais du rock. Voilà, et... Ils sont forts en rock, les Portugais? C'est pas leur meilleure musique. Non, mais... La plupart, faut qu'ils chantent en anglais, bah, sinon ça passe pas. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, je savais pas ça. Dans les années 60, déjà, il y avait des groupes. J'imagine un Portugais avec la banane, hein, tu sais, sur la tête. Ah ouais, là, ça existait. Ah ouais, bah, ouais. Marrant ça. Par contre, bon, bah, ils chantaient beaucoup de morceaux anglais, ouais. Même français. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais ils chantaient plusieurs fois en anglais parce qu'ils disent, bah, ça passe pas. Donc, c'est vrai qu'ils chantent bien, enfin, ils parlent bien l'anglais. Ils parlent bien l'anglais, ouais. Les portugais, ils parlent même les jeunes, là. C'est la langue universelle, l'anglais, de toute façon. Voilà, hein. Et puis, ils apprennent depuis tout petit, depuis des années. Donc c'est vrai que moi même des fois j'étais étonné, je dis tiens les gamines tu sais en vacances dans les bars qui servent au bar qui gagnent pas grand chose tu vois qui parlent correctement anglais. Ah donc quoi tu vois le portugais il n'y a pas que le folklore. Non c'est vrai. Il y a du rockabilly. Ah oui. Du twist tout ça. Bien sûr. Bah je suis épaté. Ah j'aimerais bien en écouter un ou deux de ces quatre. Bah oui il y a des groupes. Les chaussettes noires non. Non, ben les chaussettes rouges. Il y avait les rebelles, il y avait les... Ah ouais, ah la vache. Des trucs comme ça, ouais. Ah ouais. Ah, il faudrait que tu me fasses écouter un C4, un rockabilly portugais. Non, bah, sur YouTube, on trouve. Ouais. Ils dansent le rock, vous dansez le rock, tu rentres dans le rock. Ah ouais, tout le monde, ils dansent tout, ils chantent. Bien, ça, non, mais c'est bien. Ouais, bon, ok, bah, l'émission. Donc, moi, j'en passe pas énormément. Un petit peu. Ben, ouais. Pas passer que de ça, quoi. Mm-hmm. Et du hard rock, ça existe au Portugal, je suppose. Du hard rock, un peu moins. Ouais, avec des blousons. Mais il y a du métal aussi. Du métal, ouais, parce qu'on a une émission au métal ici avec Christophe à la radio. Ouais. Ben non, mais il y a un groupe qui est les Gospel de... Je sais pas quoi. Ouais, d'accord. Okay. C'est du métal. C'est du métal qui sont connus. Ah oui, portugais. Ouais. Ah vache, ça va. Qui sont connus dans le monde entier, qui font des concerts partout. Ah ouais. Et la maison de disques, elle est française. C'est une maison française qui s'en occupe et que c'est eux qui organisent tous les concerts. Et puis... J'en apprends des choses le matin avec toi. Du métal portugais. Il y a un gros groupe qui est très connu. Je sais pas s'il en passe, Christophe, dans son émission le mardi, là. Christophe, notre ami, là. Je sais pas. Il faudra que j'y dise. Ouais, demande-lui ou qu'il en passe, ça serait bien quand même. Du métal portugais. Ah oui, il y en a. Ou c'est plus la maçonnerie que le métal. C'est de l'humour. C'est un très très grand groupe, très connu. Tout le nord de l'Europe, en Allemagne, et en Danemark, partout. il y a beaucoup de concerts de métal et puis ils y vont partout. Hein. Bah, tu vois, moi, c'est comme je voyais un groupe là, un vieux groupe des années 80, c'est les Village People, ça te dit hein, ah là, oui, oui, oui. Et bah, eux, ils cartonnent, c'est en Chine, tu vois. Ouais, ouais, bah, bien sûr. Ouais, ils font des concerts là-haut, apparemment, c'est pas craqué. Comme quoi, tu vois, on s'exporte. Hein, voilà. Bon, bah. Et puis. J'ai entendu parler, je ne sais pas si c'est vrai, peut-être que toi tu es au courant. Ah, peut-être, ouais, vas-y. Les Pink Floyd. Ah, les Pink Floyd, ouais. Ils reviennent. Il paraît qu'ils vont passer au Zénith d'Orléans. Ouais, ah, j'ai entendu parler, je crois. Je sais pas si c'est bientôt. Ça serait énorme d'aller voir les Pink Floyd. Hein, quand même. Ah, ouais, ouais. Ça va pas être donné, quand même. Ça, c'est... Ah, j'aimerais bien, moi. Franchement, si vous défilez les places. J'ai vu l'autre jour des vidéos, là. Les gars, ils ont 10 ans, là. Si on pouvait les inviter. Ils jouent toujours aussi bien qu'avant. Imagine-toi si j'arrive à les faire inviter un matin à la radio, là, les Pink Floyd, là. Ça serait l'euphorie autour. Je vais essayer, hein. Non, il paraît qu'ils vont passer à Orléans. J'ai entendu parler qu'il passait aux Zénith. Je vais essayer de trouver la maison de disques, là, ou leur agent. Tu sais, aux Zénith d'Orléans, je connais quelqu'un, Eh ben, demande-y, voir, mais. Tu peux pas avoir un petit son, tu vois. J'ai entendu parler qu'il venait, je sais pas si c'est vrai. Hein, je vais y aller, je vais mettre un blouson en cuir, avec des clous dans le dos. Non, mais c'était bien, les Pink Floyd dans les années 70-80. Par contre, j'ai vu, qu'ils viennent aux Zénith, c'est sûr, j'ai vu une affiche, là, c'est les Texas. Le groupe Texas, là. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est pareil. Au mois d'octobre prochain, ouais. Ouais, ça va envoyer du lourd, là. Voilà. Bon, nous, on n'est pas prêts de faire les Zénith, hein. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'est pas prêts avec Algemiro, hein. On n'est pas encore prêts pour faire le Zénith. Bientôt, on va faire un duo, moi et Algemiro. Moi, je vais mettre un blouson avec du cuir, hein, et toi, tu mettras un blouson en sky, hein. On n'a pas les mêmes moyens. Bon, bah, ton émission qui démarre dans moins de 15 minutes. Ça va le faire, je pense. Il y a quoi dedans? Il y a de tout, là, aujourd'hui? Un peu de tout, comme d'habitude. Comme d'habitude, et ben voilà. Donc ne ratez pas Algemiro qui démarre son émission à 9h. Voilà. Et ben à tout de suite, Algemiro. Allez, à tout de suite. À tout de suite en direct avec lui dans moins de 15 minutes. Voici Lazare, tu t'en iras. Même sans goûter, même sans douter, tu diras que tu m'aimes. Mais tu ne penses pas, même sans goûter, même sans douter, je dirais que tu ne m'aimes pas, et tu te lasseras. Mais moi je m'en voulais, moi je m'en voulais, moi je m'en voulais. Mais qu'est-ce que tu crois, que j'aime être contre toi? Moi je m'en doutais. Est-ce ma faute, est-ce la tienne ou celle des autres? Moi j'ai douté, j'ai tant douté, j'ai trop douté. J'ai perdu la foi en l'amour d'autrefois. Moi j'ai broyé. Oh,

sur Radio Arc-en-Ciel avec le meilleur de la musique, les Cock Robin. Ah, ça c'était du son dans les années 80. Ils sont séparés maintenant. When your heart is weak. Je vous retrouve demain, 7h-9h, avec Stéphanie Biet qui sera là, notre chroniqueuse, avec plein de belles choses pour vous. Portez-vous bien, Algie Miro qui arrive dans 6 minutes en direct. Et je vous rappelle, la semaine prochaine, j'attends deux réponses aujourd'hui. Alors normalement, Carole Canette, la mère de Fleury-les-Aubrais, sera là pour nous parler de plein de choses, de verdure. Mais ouais, ça va faire du bien. Et puis aussi, j'attends la réponse de Mathieu Sessinger, maire d'Olivet, qui sera notre invité aussi dans les studios la semaine prochaine. Donc dès que j'ai les bonnes nouvelles, je vous en informe. Rendez-vous demain matin, 7h-9h, Algie Miro qui arrive dans 5 minutes en direct à la radio. Belle journée et bon dia à la planète. O baile da primavera é no sábado 12 de março às 21 horas. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. O espetáculo Baile Portuguesa é na sala Multicion em Saint-Jean-le-Blanc com o grupo 25 de Abril e pela primeira vez em Orléans, Toy, numa organização Fan Melody Production. Põe a cerveja no congelador. E vai fazer amor, e vai fazer amor. Numerosos prémios a ganhar. A entrada é gratuita com menos de 12 anos. E para a reserva da sua mesa, ligue ao 06-6201-7687. O Baile da Primavera é na Sala Montição em Saint-Jean-le-Blanc, sábado, 12 de março de 2022. A sua presença é bem-vinda. Põe a cerveja no congelador e vai fazer amor, e vai fazer amor.